Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génesseau, J. de Gigor, éditeur, 1913. Deuxième exercice. Le deuxième exercice est la méditation sur ses propres péchés. Il comprend, outre l'oraison préparatoire et les deux préludes, 5 points et un colloque. L'oraison préparatoire sera la même. Le premier prélude sera la même composition de lieu. Le second prélude consiste à demander ce que l'on veut obtenir. Dans cette méditation, je demanderai une douleur intense et profonde et des larmes pour pleurer mes péchés. Note. Profonde. Mot à mot, accru, devenu grande par ses accroissements. Comme le fruit propre du premier exercice était la honte et la confusion, celui du second est la douleur et la contrition. Fin de la note. Le premier point est comme une revue générale. Je tâcherai donc de me souvenir de tous les péchés de ma vie, la repassant tout entière d'année en année, ou d'époque en époque. Pour cela, il me sera très utile de me rappeler 3 choses. Premièrement, les lieux que j'ai habités, secondement, les relations que j'ai eues avec d'autres personnes, troisièmement, les emplois que j'ai exercés. Note. Cette considération de tous les péchés de toute la vie, simultanément rappelés à la mémoire, est sans doute de nature à convaincre quiconque fera cette méditation, qu'il est un grand pécheur, comme parle Saint Ignace. Voyez addition 2 et note 3. Il sera bon de distinguer les péchés, les offenses et les négligences. Voyez examen particulier, note 1. Et, indubitablement, la voie de notre vie nous apparaîtra pleine premièrement de la fange de nos péchés, deuxièmement de la boue de nos négligences, troisièmement de la poussière de nos défauts et de nos imperfections, et celui qui a les yeux du cœur éclairés découvrira, par une considération attentive, que cette poussière est infinie. Fin de la note. Dans le second point, je pèserai mes péchés, c'est-à-dire que je considérerai la laideur et la malice intrinsèques de chaque péché mortel, supposé même qu'il ne soit pas défendu. Note. À cause du dérèglement qu'il renferme, et de leur opposition avec la droite raison, quand même par impossible, lorsqu'il s'agit des préceptes de la loi naturelle, il n'existerait pas de loi prohibitive. N'est-il pas évident, par exemple, que le blasphème, le parjure, la calomnie, l'oppression de l'innocent, la trahison, la fomentation de la discorde, etc., ont en eux-mêmes quelque chose de honteux, de contraire à la rectitude naturelle, abstraction faite des lois qui les défendent et des châtiments qui sont la sanction de ces lois? Je dis plus, les péchés véniels, et même les imperfections, ne sont-ils pas, considérés en eux-mêmes, pleins de vanité, de folie, d'absurdité, et indignes de l'âme raisonnable et immortelle, indépendamment des lois et des châtiments? Fin de la note. Dans le troisième, je considérerai qui je suis, en m'efforçant par diverses comparaisons de paraître de plus en plus petit à mes yeux. Premièrement, que suis-je en comparaison de tous les hommes? Deuxièmement, que sont tous les hommes en comparaison de tous les anges et de tous les saints du paradis? Troisièmement, que sont toutes les créatures en comparaison de Dieu? Donc moi seul, enfin, que puis-je être? Quatrièmement, je considérerai toute la corruption et toute l'infection de mon corps. Cinquièmement, je me regarderai comme un ulcère et un abcès d'où sont sortis tant de péchés, tant de crimes et tant de souillures honteuses. Note. Sur. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc., Énumération par gradation. D'abord, tout ce qu'il y a de bon en moi s'évanouit et réduit à rien par cette comparaison, premièrement avec les autres hommes, deuxièmement avec les anges et les saints, troisièmement avec Dieu même. Ensuite, le mal qui est en moi est mis à découvert sans ménagement, et dans toute sa laideur, premièrement la hideuse corruption de mon corps, suite du vice de ma nature gâtée par le péché originel, deuxièmement une corruption plus dégradante encore dans l'âme, d'abord les passions mauvaises, ces sources empoisonnées de toutes les actions honteuses, ces ulcères infects de l'âme, puis tant de dérèglements et de péchés actuels commis avec délibération, ce qui devrait me faire regarder avec horreur de tous les hommes comme un lépreux ou un pestiféré. Fin de la note. Dans le quatrième point, je m'appliquerai à connaître Dieu que j'ai offensé, je m'aiderai de la considération de ses attributs, que je comparerai aux défauts contraires qui sont en moi, sa sagesse à mon ignorance, sa toute-puissance à ma faiblesse, sa justice à mon iniquité, sa bonté à ma malice. Note. Sa sagesse à mon ignorance. Considérez l'une après l'autre chaque perfection divine, la comparant avec le défaut contraire qui est en moi. Fin de la note. Le cinquième point sera le cri d'étonnement d'une âme profondément émue. Je parcourrai toutes les créatures, leur demandant comment elles m'ont laissé la vie, comment elles ont concouru à me la conserver. Je demanderai aux anges, qui sont le glaive de la justice divine, comment ils m'ont souffert et gardé, comment ils ont même prié pour moi, aux saints, comment ils ont aussi intercédé et prié pour moi. Je m'étonnerai que les cieux, le soleil, la lune, les étoiles et les éléments, les fruits de la terre, les oiseaux, les poissons et les animaux, que toutes les créatures aient continué à me servir et ne se soient pas élevées contre moi, que la terre ne se soit pas entr'ouverte pour m'engloutir, creusant de nouveaux enfers où je devais brûler éternellement. Note. Sur le cinquième point sera le cri d'étonnement d'une âme profondément émue. Textuellement, sera une exclamation d'étonnement avec un sentiment accru, ou profond, c'est, comme nous le faisions remarquer dans le second prélude, note 1, page 68, une douleur devenue grande, forte, véhémente, par ses accroissements. On peut donc considérer cette expression comme une métaphore tirée des eaux d'une rivière qui s'accroisse et qui s'élève. En effet, si l'on a examiné et médité sérieusement les vérités exposées dans les points précédents, il est comme impossible que l'on ne sente naître et s'accroître dans son cœur des affections sans nombre, et surtout celles de la crainte, de la confusion, de la douleur, qui viendront nourrir et augmenter la source de nos larmes, ou du moins la vivacité de notre repentir. Fin de la note. Je terminerai par un colloque, dans lequel j'exalterai la miséricorde de mon Dieu, je lui rendrai grâce de m'avoir conservé la vie jusqu'à ce moment, et je prendrai la résolution de me corriger avec le secours de sa grâce. Notre Père, etc. Troisième exercice. Le troisième exercice est la répétition du premier et du deuxième, terminé par trois colloques. Après l'oraison préparatoire et les deux préludes, je répéterai le premier exercice et le deuxième, faisant une attention spéciale aux endroits qui m'auront fait éprouver plus de consolation ou de désolation, et que j'aurai médité avec plus de goût spirituel, m'y arrêtant quelque temps. Je ferai ensuite les trois colloques de la manière suivante. Le premier à Notre-Dame, pour qu'elle m'obtienne de son Fils et Seigneur trois grâces. La première, de connaître d'une connaissance intime mes péchés et d'en concevoir de l'horreur. La deuxième, de sentir le désordre de mes actions, afin que, le détestant, je me corrige et je règle ma conduite. La troisième, de connaître le monde, afin que l'ayant en horreur, je m'éloigne de tout ce qui est vain et périssable. Terminez ce premier colloque par le « Je vous salue Marie ». Le second office, considérez non comme Dieu, mais comme homme, notre médiateur et notre avocat, toujours vivant pour intercéder en notre faveur, lui demandant les mêmes grâces et le priant de me les obtenir de son Père céleste. Terminez par la prière, âme du Christ. Le troisième à Dieu le Père, lui demandant toujours les mêmes grâces et le suppliant de me les accorder lui-même, lui qui est le Seigneur éternel de toutes choses, je réciterai le Notre Père. Note. Sur, je répéterai le premier exercice et le deuxième, séparément et sans les confondre, c'est-à-dire, ne pas confondre en une seule les deux méditations précédentes, mais parcourir successivement les points de l'une et l'autre, premièrement ceux de la première, secondement ceux de la seconde. On ne restera pourtant pas le même temps sur tous les points, mais on consultera le goût, le sentiment intérieur que l'on a éprouvé en les méditant la première fois, l'usage de ces répétitions, dit le Directoire, chapitre 15, numéro 2, est très utile. Car il arrive souvent, lorsque nous méditons un sujet pour la première fois, que l'entendement, se laissant aller à une curiosité naturelle, se répète de la nouveauté des objets, mais lorsque, dans la suite, nous modérons la spéculation ou le travail de l'intelligence, la voie commence à s'ouvrir aux affections intérieures, dans lesquelles consiste principalement le fruit de la méditation. Il faut donc éviter, dans les répétitions, les raisonnements trop longs et trop multipliés, mais seulement se rappeler à la mémoire, se représenter, et comme parcourir les vérités que nous avons déjà méditées, en nous y arrêtant et en les goûtant par l'affection et la volonté. Quant à ce qui est dit, continue le Directoire, numéro 3, dans le livre des exercices, première semaine, troisième exercice, qu'il faut s'arrêter davantage aux endroits dans lesquels on aura éprouvé plus de consolation ou de désolation, cela signifie qu'il faut revenir, non seulement sur les passages qui nous auront donné plus de lumière ou de ferveur, mais encore sur les points dans la méditation desquels nous n'aurions éprouvé que sécheresse, parce qu'il arrive souvent que ce sont ceux-là même qui nous procurent une plus grande abondance de consolation. On peut même, surtout dans la première semaine, répéter deux fois le même sujet, si l'on y est porté par une grande consolation ou un bon mouvement spirituel. Note. Sur, je ferai ensuite les trois colloques. Le moment de faire ces colloques n'est pas indifférent. Sans doute lorsqu'on se sent porté à les faire dans le cours de l'exercice, on peut suivre l'attrait intérieur, mais ils sont toujours d'obligation à la fin, que l'on s'y sente porté ou non. La sécheresse spirituelle, loin d'être un motif pour les omettre, en est un pour les faire avec plus d'application et de fidélité. Note. Sur, de connaître le monde, il faut désirer ardemment et demander instamment de connaître et d'avoir en horreur non seulement la malice du monde, mais la vanité du monde, mais tout ce qui est compris dans ce mot, le monde. Il y a dans ce triple colloque une gradation remarquable. On y demande d'une manière distincte la connaissance, puis la haine, premièrement de ses péchés, deuxièmement du désordre de ses actions, troisièmement du monde et de sa vanité. Ne confondons point ces trois choses. Dans la deuxième et la troisième, il s'agit moins des péchés que des occasions et des causes du péché. car le dérèglement ou le désordre, soit qu'il existe dans l'ensemble même de toute notre vie qui ne se rapporterait pas, autant qu'il est nécessaire, à notre fin, soit qu'il se rencontre dans la suite de nos actions, par le défaut d'ordre ou de règlement, ou dans la manière de les faire, sans considérer la fin de chacune, et sans garder la modération convenable, est toujours la source d'un grand nombre de péchés. Le monde encore, avec son inconstance et sa légèreté, est, ce qu'il y a de plus redoutable, avec la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie, nous fascine les yeux, et pour nous l'aliment de tous les vices, la source et l'occasion de péchés innombrables. On demande donc pour chacune des trois fins ou objets de ce colloque une double grâce, lumière pour l'entendement, afin de connaître, mouvement pieux de la volonté, afin d'abhorrer et de fuir. Saint Ignace avertit souvent de demander cette double grâce, et on ne peut le recommander assez. Fin de la note. Quatrième exercice. Le quatrième exercice est un résumé du troisième. Je dis un résumé, dans lequel l'entendement, sans s'égarer, réfléchit attentivement, en se rappelant les vérités qu'il a contemplées dans les exercices précédents. On terminera en faisant les trois mêmes colloques. Note. Je dis un résumé, remarquez que le texte ne donne pas à cet exercice le nom de répétition. C'est un exercice distinct de la répétition précédente qu'il résume. Il ne faut donc pas répéter de nouveau, ou reprendre point par point le premier et le second exercice, mais résumer ce qui nous a le plus touché dans le troisième, afin que, nous représentant vivement et l'esprit ces mêmes vérités et les méditant sans distraction, comme sans effort, nous nous en trouvions pénétrés plus profondément, et surtout que nous sentions dans nos cœurs une douleur toujours plus vive de nos péchés, et que nous nous confirmions de plus en plus dans la résolution de nous en corriger. Fin de la note. Cinquième exercice. Le cinquième exercice est la méditation de l'enfer. Il comprend, outre l'oraison préparatoire et les deux préludes, cinq points et un colloque. L'oraison préparatoire, comme à l'ordinaire. Le premier prélude est la composition de lieu, qui consiste, dans cette méditation, à voir des yeux de l'imagination la longueur, la largeur et la profondeur de l'enfer. Le second est la demande de la grâce que l'on veut obtenir. Ici je demanderai le sentiment intérieur des peines que souffrent les damnés, afin que, si mes fautes me faisaient jamais oublier l'amour du Seigneur éternel, du moins la crainte des peines m'aida à ne pas tomber dans le péché. Note. Sur, mes fautes, mes péchés, même véniels, même mes défauts volontaires dont l'effet ordinaire est l'affaiblissement, puis l'oubli de l'amour divin, qui conduit au péché mortel. Et comme ce péché est le plus grand de tous les maux, nous demandons d'en être préservés, au moins par la crainte des châtiments. Remarquez encore les derniers mots de ce prélude, où l'auteur des exercices dit en nombre singulier, dans le péché, voulant signifier, dans aucun péché grave. Note. Sur, m'aida à ne point tomber. Le fruit propre que Saint Ignace veut nous faire retirer de cet exercice, c'est la résolution d'éviter le péché à l'avenir. Ainsi trois causes se réunissent pour opérer la conversion entière. Premièrement la honte, fruit du premier exercice. Deuxièmement la douleur, fruit du second exercice. Troisièmement le propos ferme et efficace de ne plus commettre le péché, fruit principal du dernier exercice de cette journée. Fin de la note. Dans le premier point, je verrai des yeux de l'imagination ces feux immenses, et les âmes des réprouvés comme enfermées dans des corps de feu. Dans le deuxième, j'entendrai, à l'aide de l'imagination, les gémissements, les cris, les clameurs, les blasphèmes contre Jésus-Christ notre Seigneur et contre tous les saints. Dans le troisième, je me figurerai que je respire la fumée, le soufre, l'odeur d'une sentine et de matières en putréfaction. Dans le quatrième, je m'imaginerai goûter intérieurement des choses amères, comme les larmes, la tristesse, le ver de la conscience. Dans le cinquième, je toucherai ces flammes vengeresses, m'efforçant de comprendre vivement comment elles environnent et brûlent les âmes des réprouvés. Faisant un colloque avec Jésus-Christ notre Seigneur, je me rappellerai combien d'âmes sont en enfer, les unes parce qu'elles n'ont pas cru à la venue du Sauveur, les autres parce qu'en y croyant elles n'ont pas agi selon ses commandements, partageant 16 âmes en 3 classes, la première, celles qui se sont perdues avant sa venue, la deuxième, pendant sa vie, la troisième, après sa vie en ce monde. Je lui rendrai grâce de ne m'avoir laissé tomber par la mort dans aucune de ses classes, me rappelant, au contraire, comment j'ai toujours été jusqu'ici l'objet de sa grande compassion et de sa grande miséricorde, et je terminerai en récitant le Notre Père. Note. Si celui qui donne les exercices croit devoir, pour le bien de ceux qu'il dirige, ajouter ici d'autres méditations, sur la mort, par exemple, sur les autres peines du péché, sur le jugement, etc., il est libre de le faire. Car il est certain que telle était la méthode de saint Ignace lui-même, ainsi que des premiers pères de la compagnie qu'il avait formée. Mais il faut les ajouter ici, en cet endroit même, non avant, mais après le cinquième exercice, qui est la méditation de l'enfer. Ces cinq exercices réunis forment un tout qu'il faut se garder de détruire. On trouvera après les additions les méditations dont il est parlé dans cette note. Note. Sur. Je me rappellerai combien d'âmes sont en enfer, d'après l'abbé Clément, on se représentera, en se les rappelant nommément et en détail à la mémoire, tous ceux qu'on sait avoir été condamnés au supplice de l'enfer. Le sort éternel de l'homme ne peut se savoir avec certitude que par la révélation, et l'Écriture sainte ne nous fait connaître nommément qu'un très petit nombre de réprouvés. Les expressions de l'abbé Clément nommément et en détail se réduisent donc à bien peu de choses. L'auteur des exercices nous présente ici un tableau bien autrement grand et terrible. C'est l'enfer tout entier, dans toute sa longueur et sa profondeur, et, au milieu de ses flammes vengeresses, cette multitude effrayante d'infidèles et d'hérétiques, de mauvais juifs et de mauvais chrétiens, qui ont existé depuis le commencement du monde, et que nous devons nous représenter avec effroi comme en masse, sans en excepter un seul. Note. Sur. Je lui rendrai grâce de ne m'avoir laissé tomber par la mort dans aucune de ses classes. D'après le second prélude, le but de saint Ignace, en nous proposant la méditation de l'enfer, est moins. Comme nous l'avons dit précédemment, d'exciter en nous la douleur d'avoir commis le péché, que de nous détourner, en nous en inspirant une vive horreur, de le commettre dans la suite. En effet, tout ce qu'il y a d'effrayant dans les considérations qu'il nous présente est plus propre de sa nature à nous porter au ferme propos qu'à la contrition. Je dis de sa nature, car ces châtiments terribles deviennent de puissants motifs de contrition même parfaite, si nous les considérons comme un mal épouvantable que nous avons mérité, et dont la bonté infinie de notre Dieu nous a miséricordieusement préservés. Réflexion capable de nous faire éclater en transport d'admiration, de reconnaissance et d'amour. Consultons notre cœur, et nous comprendrons que rien n'est plus efficace pour obtenir le fruit propre de cette première semaine, que la considération de la miséricorde divine sur nous, sentiment dont nous nous trouverons d'autant plus intimement pénétrés, que nous serons descendus plus avant dans la considération des maux qui sont inhérents au péché, ou qui en sont la suite. Fin de la note. Le premier exercice se fera au milieu de la nuit, le deuxième, le matin, aussitôt après le lever, le troisième, avant ou après la messe, mais toujours avant le dîner, le quatrième, à l'heure des vêpres, le cinquième, une heure avant le souper. Ce règlement, tel ou à peu près tel que nous venons de l'indiquer, est le même pour les quatre semaines, autant que l'âge, la disposition et les forces de la personne qui fait les exercices lui permettront d'en faire cinq, ou l'obligeront d'en diminuer le nombre. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et Livre Mystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.